Thank you. style emphatique, je dirais qu'à travers l'espace, le temps, les continents, sur cette ninja session, we are able to create. Yeah, we love, we believe. Believe, yeah. Jéroboam d'amour à travers l'océan, les typhons. Thank you. mes veines. Yeah.